studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 11 août 2014, je m'appelle Mathieu Plante. C'est notre première émission depuis le début du mois de juillet, c'est des reprises de C'était Fou pendant le mois de juillet. On est de retour avec une nouvelle édition, par contre on a pris un petit peu de retard avec notre absence, donc on va reculer un petit peu pour entendre les Palmarès C'est Fou du 7 juillet au 3 août 2014. On va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté franco Pandaléon et Tune de Chasse, et en anglophone Pink Mountain Tops et Ambulance City. Aussi au programme le segment Palmer Rest in Peace. On commence avec un bloc de nouvelles entrées tout de suite en 20e place anglophone, le deuxième extrait de l'album About Last Night de Sleeper Agent, qui s'appelle Waves. Mais avant ça, en francophone, voici La Féline et Adieu l'enfance au Palmarès C'est Fou. J'ai de la peine pour toi. l'entrée. Entrée du côté francophone et anglophone en 20e place. Donc en anglo, c'était Sleeper Agent, Waves, deuxième extrait de l'album About Last Night. Leur premier étant Be Brave, que j'adorerais. C'est dans un style complètement différent, mais je l'aime aussi. En 20e francophone, La Féline et Adieu l'enfance, pièce titre de leur maxi Adieu l'enfance EP. Ces deux groupes-là sont sur Bandcamp et partout ailleurs. Là. C'est super simple à trouver. On va l'entendre trois autres nouvelles entrées. Un bloc de trois, mais on sort une pièce donc, parce que la 18e anglo n'est pas nouvelle. C'est Language Arts avec Building a Mountain with Our Bare Hands, qui est là depuis 7 palmarès. On va entendre dans ce bloc-là Les Passagers ainsi que Vogue Dots, mais on débute avec une formation en francophone qui est en 19e place. On les appelle Choses Sauvages. Choses Sauvages, Wild Things. Ouais. Voici L'Épave Trouée. 89 FM, c'est fou. Entrée. Je n'ai jamais eu besoin d'acheter ta peau pour pouvoir un jour me la mettre sur le dos. Nos désirs dépassent ces premiers instants charnels quand ton corps expirait encore un parfum de miel. Les passagers avec Acheter ta peau, nouvelle entrée en 18e place francophone sur leur album Le ciel est noir. Les passagers, d'ailleurs, le groupe Les passagers, fruit de la rencontre entre Andréane Muzzo et Nicolas Ferron, vous propose un univers indie rock riche en couleurs. Leurs chansons, dans lesquelles se marient à merveille les sonorités actuelles et vintage, mettent en valeur des textes d'une poésie tout en douceur. Nous les styles sur leur bandcamp, c'est lespassagers.bandcamp.com. Avançons de sauter par-dessus, la position numéro 18 anglophone, c'est Language Arts, c'est Building a Mountain with Our Bare Hands, qui descend de la 6e place, 7e semaine de présence. Avançant en 19e anglophone, on a entendu Vogue Dots et leur extrait Skinny Things sur l'album Tosca. Vogue Dots, qui est un groupe pop duo expérimental du Nouveau-Brunswick au Canada. Donc voilà, ça c'est Tosca. Excuse-moi. La pièce c'est Tosca du groupe Vogue Dots. C'est vogue-dots.bandcamp.com. Avance Chose Sauvage avec leur extrait L'épave trouée en 19e position francophone. Chose Sauvage, c'est un groupe de Montréal. C'est pour moi tous les détails qu'ils ont osé mettre sur leur bandcamp. Avant ça, on avait parlé tantôt, mais je n'avais pas parlé des groupes en tant que tels. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils sont nouveaux, il faut quand même le mentionner. À part Sleeper Agents, qui est de retour avec une deuxième pièce, ça on avait déjà dit. Mais La Féline en 20e place francophone avec la pièce Adieu l'enfance. Depuis bientôt 7 ans et plusieurs vies, La Féline construit une œuvre deep sans équivalent dans la pop francophone actuelle, électronique minimale, zébrure de guitare twang ou noyée d'écho, comptine atemporelle et écriture littéraire. Voilà, c'est superbe pour La Féline. Nous voilà à la fin de ces nouvelles entrées. On a entendu 5 nouvelles pièces dans cette édition combinée des palmarès. C'est fou, on va sauter par-dessus plein de trucs parce que, bon, vous le savez, tout l'été, on bascule du côté francophone une semaine, à l'anglophone l'autre semaine, et là, on a juste une semaine pour faire les deux côtés. Donc, on doit sauter par-dessus presque tout. Avant de continuer, par contre, quand on accueille 5 nouvelles pièces, on doit aussi dire au revoir à 5 autres. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis la précédente édition. Il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. On va se parler de la météo. Quasimodo, défense à Rennes, mais n'est pas un...

Radio, radio, holiday. Au retour, Tokyo Brie Slab et le top 3. Pas mal, c'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou pour la période du 7 juillet au 3 août 2014. Oui, un petit peu en retard parce qu'on est la semaine du 11 août, mais que voulez-vous. Donc, on était rendu à entendre la position numéro 5 anglo. C'est Tokyo Police Club et Hot Tonight. On écoute ça à l'instant parce qu'il faut y aller avec le top 3 après, puis on va manquer de temps. Avec, au 89 FM, c'est Palmarès, c'est fou. Tokyo Police Lab et Hot Tonight, position numéro 5, ça monte de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée sur leur album Force Field. Avant, on a joué juste deux pièces dans le milieu, après les nouvelles entrées. D'habitude, on fait une nouvelle entrée, un paquet de pièces, puis le top 3, là, on saute directement au top 3 et on va vraiment y aller en accéléré. On va entendre les positions 2 et 3 ensemble. Donc, en 3e, Franco, c'est La Bronze avec La Jeunesse Féline qui monte de nouvelle entrée en 17e place, maintenant la 3e. Ensuite, Fucked Up et Sunglass qui étaient aussi nouvelles et aussi en 17e la semaine passée. Ensuite, en 2e, il y aura Philippe Braque et Pink Mountain Tops, mais on en reparlera tantôt. Commençons avec la 3e Franco, La Bronze, La Jeunesse Féline. Tout de suite, c'est les Palmarès, c'est fou. Une émission qui va vraiment vite. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase qui nous remplit seuls et port de cuisses des de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le noir nous poursuit. On s'enfile les

C'était Pink Mountaintop, c'est Ambulance City, l'ancien numéro 1 en deuxième place anglophone. Avant ça, Philippe Braque et T'aurais pas pu nous prendre à deux qui montent de 8 en deuxième position francophone. Et avant ça, les troisièmes en anglo, l'incroyablement bizarre Fucked Up et Sunglass qui montent de 14 places. Et même chose, ça monte de 14 pour la bronze en troisième franco avec la jeunesse fine. Il nous reste seulement le numéro 1, on enchaîne avec ça tout de suite. Du côté anglo, c'est Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night qui montent de 2. Nous avons ça, voici Fanny Bloom et Piscine. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Je t'explique ça pas à la fin de la tune d'avant. Un peu. Ça paraît pas, ça. Thank you. Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night. Position numéro 1 anglophone, ça monte de 2 places. Et en franco, on a entendu Fanny Bloom et La Piscine qui, elle, monte de 1. C'est tout pour les palmarès. C'est fou. On se retrouve la semaine prochaine pour, en fait, les deux prochaines semaines, à 2 nouvelles éditions des palmarès. C'est fou pour la période qui commencera le 4 août. Ça va être que du nouveau shit. Mais avant ça, Assemblage Requis s'en vient dans quelques instants pour les auditeurs du jeudi. Ça commence à 15h. Sinon, pour les auditeurs du samedi où on joue entre midi et 16h, ben, Colin, c'est Assemblage Requis puis palmarès. Non, c'est ça. Puis lundi aussi. Entre 14h et les 18h. Genre. Tu vois, quand j'ai pas l'horaire devant moi, puis ça fait un mois et demi que j'ai pas fait. Bye! À la semaine prochaine! Vous êtes fin! Vous êtes beau! Ben, pas tout. La plupart.